L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Myriam Le Breton, vous êtes coordinatrice artistique de la compagnie J'y pense souvent, compagnie de Vincent Dupont. Il est question du spectacle Mettre en pièce. Le spectacle a été présenté à la fois par Vincent Dupont, mais également par Gérard Mayen, qui a pu faire part de son enthousiasme quand il a découvert cette création. Avec vous, je souhaiterais qu'on parle du travail qui est mené dans le cadre d'une résidence territoriale artistique et culturelle. Vous-même intervenez auprès des scolaires, compagnie aussi qui intervient plus largement auprès des collèges, lycées et je crois même auprès d'une école primaire sur la commune de Pontoise. En quoi consiste ce travail de résidence territoriale, artistique et culturelle? Alors en fait, lorsque la proposition nous a été faite par Jean-Joël Le Chapelain, on a essayé avec les structures demandeuses, c'est-à-dire école élémentaire, collège, lycée, d'établir un peu un programme en fonction d'une, du désir des structures, et puis de deux, de nos possibilités et de nous, nos désirs de transmission et de partage de nos propres expériences, d'une certaine manière. Donc le nom de la résidence, c'est Au croisement des sens, donc le travail de Vincent est vraiment un travail qui mixe la danse, le travail de la voix, les scénographies, le travail de la lumière et du son sont toujours très importants dans les spectacles de Vincent. Donc l'idée, c'était de faire partager et de partager avec les élèves cette idée comme ça que le travail du corps, le travail de la danse peut être lié aussi à d'autres paramètres qui seraient la production vocale ou comment la lumière sur un plateau transforme la perception des corps ou comment le traitement du son sur un plateau peut aussi transformer la perception du corps dansant sur un plateau. Oui, dans le travail chorégraphique et avec la pièce Mettre en pièce, il est question de donner du sens à l'engagement du corps. Là, au croisement des sens, on est un peu plus dans une dimension sensorielle. Oui, et puis parce que on est aussi conscient que sur un nombre limité d'interventions, on peut faire goûter, disons, et commencer un partage, mais il serait à continuer et à élaborer plus avant. Mais on est plus dans la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des objectifs? J'imagine que vous avez un cahier des charges, mais que quand on est artiste, on n'est pas simplement à respecter à la virgule près un cahier des charges. Il s'agit d'un engagement artistique plus profond. Oui, et en même temps, déjà, d'arriver à mobiliser une classe de, je sais pas, 25 enfants de CM2, 2 heures, sur un travail qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer ensemble, en tout cas. Certains pratiquent la danse de manière amateur dans une école de danse ou des choses comme ça. Mais là, il s'agit vraiment de mobiliser une classe d'enfants qui n'ont pas choisi forcément de faire de la danse. Ça fait partie du projet pédagogique de l'institutrice. Mais du coup, déjà, les mobiliser sur 2 heures de temps, ça leur demande de la concentration. Et par exemple, pour ces interventions au niveau des classes de CM2, nous étions 2 intervenants, c'est-à-dire moi plutôt qui était danseuse et concernée par le corps, et j'étais accompagnée de Valérie Joly qui est chanteuse et qui est collaboratrice au niveau du travail de la voix sur les projets de Vincent. Oui, parce que là, il ne s'agit pas simplement de placer les élèves en situation de spectateur ou de futur spectateur. Là, c'est les exposer au regard des autres, au regard de l'autre, ce qui n'est pas chose facile quand on est en milieu scolaire. Et entre le primaire, le collège et le lycée, on voit que les appréhensions sont différentes. Oui, bien sûr, oui, oui. Déjà, tout simplement, le rapport au corps, le rapport au regard des autres sur son propre corps, etc., c'est déjà, on va dire, tout un programme pour certains enfants, certains adolescents, et c'est pas si simple. Donc, déjà, faire tomber ces appréhensions-là, avec les petits de CM2, avec les élémentaires, ils ont encore pas mal de liberté. C'est vrai qu'après, le regard des autres devient extrêmement contraignant, d'une certaine manière. En tout cas, l'idée qu'ils s'en font. En même temps, je disais que c'est pas pour en faire immédiatement des spectateurs, quoique si, puisque l'objectif, c'est malgré tout de les amener à venir découvrir la création, mettre en pièce, par exemple. Ce serait après de les amener à venir découvrir la création maître en pièce, mais c'est aussi de voir un autre spectacle de danse de n'importe quel autre artiste avec un regard qui serait un peu plus élaboré ou en tout cas qui serait plus averti. Avec des connaissances ou en tout cas des repères de spectateurs qui sont que bah, s'il voit ci, il se dit « Ah oui, en tout cas il le ressent comme ça, j'ai déjà vécu ça ou j'ai déjà essayé ça, ah tiens ça me fait penser à ça ». Voilà, des choses comme ça qui permettent que le spectateur, le jeune spectateur, soit en terrain, disons, un petit peu plus connu. Grand merci à vous, Myriam Le Breton, de nous avoir fait partager ce qui se vit très concrètement au travers de ces résidences territoriales, artistiques et culturelles. Merci à vous. Merci beaucoup.